Jérémie chapitre 22. Ainsi a dit l'Éternel, descends en la maison du roi de Juda, et y prononce ces paroles. Tu diras donc, écoute la parole de l'Éternel, au roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi et tes serviteurs, et ton peuple, qui entrez par ses portes. Ainsi a dit l'Éternel, faites jugement et justice, et délivrez celui qui aura été pillé, d'entre les mains de celui qui lui fait tort, ne foulez point l'orphelin, ni l'étranger, ni la veuve, et n'usez d'aucune violence, et ne répandez point le sang innocent dans ce lieu-ci. Car si vous mettez exactement en effet cette parole, alors les rois qui sont assis en la place de David sur son trône, montés sur des chariots et sur des chevaux, entreront par les portes de cette maison, eux et leurs serviteurs, et leur peuple. Mais si vous n'écoutez point ces paroles, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que cette maison sera réduite en désolation. Car ainsi a dit l'Éternel, touchant la maison du roi de Juda, tu mets un Galaa, et le sommet du Liban, mais si je ne te réduis en désert, et en villes qui ne sont point habitées, je préparerai contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes, qui couperont tes cèdres exquis, et les jetteront au feu. Et plusieurs nations passeront près de cette ville, et chacun dira à son compagnon, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à cette grande ville? Et on dira, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux, et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort, et n'en faites point de lamentation, mais pleurez amèrement celui qui s'en va, car il ne retournera plus, et ne verra plus le pays de sa naissance. Car ainsi a dit l'Éternel, touchant Salom, fils de Josias, roi de Juda, qui a régné en la place de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu, Dieu n'y retournera plus. Mais il mourra au lieu auquel on l'a transporté, et ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, et ses étages sans droiture, qui se sert pour rien de son prochain, et ne lui donne point le salaire de son travail. Qui dit, je me bâtirai une grande maison et des étages bien aérés, et qui se perce des fenêtrages, elle est lambrissée de cèdres, et peinte de vermillon. Régneras-tu, que tu te mêles parmi les cèdres? Ton père n'a-t-il pas mangé et bu? Quand il a fait jugement et justice, alors il a prospéré. Il a jugé la cause de l'affligé et du pauvre, et alors il a prospéré, cela n'était-il pas me connaître, dit l'Éternel. Mais tes yeux et ton cœur ne sont à donner qu'à ton gain déshonnête, qu'à répandre le sang innocent, qu'à faire tort, et qu'à opprimer. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, touchant Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, on ne le plaindra point, en disant, hélas, mon frère, et, hélas, ma sœur. On ne le plaindra point, en disant, hélas, sire, et, hélas, sa magnificence. Il sera enseveli de la sépulture d'un âne, étant traîné, et jeté au-delà des portes de Jérusalem. Monte au Liban, écris, jette ta voix en Basan, écris par les passages, à cause que tous tes amoureux ont été mis en pièces. Je t'ai parlé durant ta grande prospérité, mais tu as dit, je n'écouterai point. Tel est ton train de ta jeunesse, que tu n'as point écouté ma voix. Le vent remplira tous tes pasteurs, et tes amoureux iront en captivité, certainement tu seras alors honteuse et confuse à cause de toute ta malice. Tu te tiens au Liban, et tu fais ton nid dans les cèdres, oh, que tu seras un objet de compassion quand les tranchées te viendront, et ta douleur, comme de la femme qui est en travail d'enfant. Je suis vivant, dit l'Éternel, que quand Shonja, fils de Jéhoiakim, roi de Juda, serait un cachet en ma main droite, je l'arracherai de là, et je le livrerai en la main de ceux qui cherchent ta vie, et en la main de ceux de la présence desquels tu as peur, et en la main de Nebuchadnezzar roi de Babylone, et en la main des Chaldéens. Et je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, en un autre pays, auquel vous n'êtes point né, et vous y mourrez. Et quant au pays vers lequel ils ont leur affection pour y retourner, ils n'y retourneront point. Ce personnage changea serait-ce une idole méprisée et rompue, serait-ce un vaisseau auquel il n'y a point de plaisir? Pourquoi ont-ils été jetés là, lui et sa postérité, jetés, dis-je, en un pays qu'ils ne connaissent point? Ô terre, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, écrivez que ce personnage-là est destitué d'enfant, que c'est un homme qui ne prospérera point pendant ses jours, et que même il n'y aura point d'homme de sa postérité qui prospère, et qui soit assis sur le trône de David, ni qui domine plus en Juda.